Et donc, pendant que l'État tchadien nationalise les actions de ExxonMobil ou alors de Esso, côté Cameroun, c'est Savannah revendique avoir récupéré tout ce que disposait ExxonMobil au sein de Codeco, rappelé qu'il est une entité camerounaise. Et au final, ici, on parle d'actes inamicaux. Vous, quelle est la lecture globale que vous faites de tout ça? Il faut commencer par rappeler les principes qui guident la démarche panafricaniste à l'égard de ce qu'on appelle le secteur pétrolier. Historiquement, le rapport des pays africains à ce qu'on appelle pétrole est marqué par une injustice historique et structurelle inacceptable. Quelle est cette injustice? C'est que on nous dit que tu as le pétrole dans ton sous-sol, mais il ne t'appartient pas parce que tu n'as pas la technologie pour l'exploiter. Donc, celui donc qui a la technologie arrive à la limite, dès qu'il vient là, dès qu'il met sa technologie sur ta terre, sa technologie bénit ta terre, et en retour, il prend ton pétrole cadeau. Tu es simplement là pour apprécier la technologie, son génie technologique qui ferait que sans lui, n'est-ce pas, tu n'aurais pas du pétrole. Sans lui, ton pétrole n'est plus le pétrole. Les panafricanistes rejettent ça. Les panafricanistes disent qu'on s'en fout de ta technologie. Comment? Ils disent on s'en fiche de ça. Ta technologie ne te donne pas le pétrole. Reste avec ça chez toi. Moi j'ai le pétrole parce que ma terre a déjà transformé les déchets dans le sol en pétrole. Que chez toi aussi ta terre fasse la même chose. Ta technologie va une fois exploitée sur la base de ta terre, il n'y aura pas de problème. Non, c'est pour dire qu'il y a une iniquité dans les rapports qui lient les pays africains à ce qu'on appelle abusivement des majors pétroliers qui sont en réalité des bandits. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, à partir de ce principe qui consiste à lutter historiquement contre ça pour obtenir des rapports équitables, n'est-ce pas, en ce qui concerne la gestion du pétrole, les panafricanistes soutiennent toute démarche qui vise à inverser ce rapport à quelque niveau que ce soit. Chaque fois qu'un pays est dans une dynamique visant à inverser ce rapport, les panafricains ne peuvent pas ne pas le soutenir. Dans le contexte actuel, le Tchad est dans cette dynamique. Historiquement, on découvre son pétrole, on ne lui donne rien. Mais dit, on ne lui donne rien. Il doit se contenter de Totco. Pour les suites à l'époque, on vous a dit qu'il faut créer un fonds pour les générations futures que la Banque mondiale va surveiller parce que toi, tu n'es pas en mesure de gérer le pétrole. Voilà. On s'est battu, le président Déby s'est battu pour enlever ça, cette affaire. Insulté. Par la grâce de Dieu, finalement, ces gars-là dégagent, n'est-ce pas, du consortium. Le Tchad commence à reprendre les mains de son pétrole, commence à entrer dans un processus de nationalisation de son pétrole. Ce Cameroun, lui, l'a fait pratiquement parce que la SNH est 100% capital camerounais. Moi, je pose une question simple. Est-ce que le Cameroun ne peut pas aider le Tchad à acquérir tous ses droits de son pétrole? Mais c'est ça. C'est ce qu'il devrait faire. C'est ça. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, l'affaire, c'est très simple. Mais vous ne serez pas impressionné par le langage pétrolier et tout ces... C'est-à-dire que le parcours labyrinthique qu'il y a derrière pour effrayer les naïfs, dit que non, c'est trop technique, il n'y a rien de technique là-dedans. L'affaire est plus simple dans ce cas d'espèce. Vous avez d'un côté un État qui vous dit l'interlocuteur exclusif dans la chaîne de mon pétrole s'appelle SNH. De l'autre côté, vous avez pareil, un État qui dit, moi aussi, je suis dans cette même dynamique parce que il faut que moi, en tant qu'État, j'ai je maîtrise de tout mon pétrole pour avoir de quoi financer mon économie et mon budget. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile à discuter là-dedans? Ou comment peut-on expliquer que les deux États n'arrivent pas à se parler au point où on arrive à cette crise diplomatique? Comment on peut expliquer ça? C'est très simple, ne contournons pas. Oui. Le Tchad est en train de dire au Cameroun et au président camerounais que est-ce que la SNH est une entreprise publique ou privée? C'est la question qu'il est en train de poser. Que je veux savoir, mais qui gère la SNH? Oui. Qui est mon interlocuteur? Oui. Deuxième question. Au Cameroun, qui est président? C'est Franck Biya ou M. Paul Biya? C'est ça. Comment vous compliquez? C'est ce que le Tchad demande. Qui est en train d'embêter le Tchad depuis, avec le Tchad de discuter une affaire comme ça? Depuis qui allait faire le lobby au Tchad? C'est qui? C'est M. Frambia. C'est M. Frambia qui est au Tchad. Il est au Tchad faire quoi? Plaider pour Savannah. Pas pour la SNH, il allait plaider pour Savannah. Dans cette affaire, on dit qu'il n'est pas seul, il avait la première dame du Cameroun. Mettez-vous la plainte. Le président, il veut savoir. Alors, avec qui alors là, président Mandakani, on cite déjà les noms. Et donc, à partir de là, il faudrait au moins voir quels sont les éléments matériels qui peuvent démontrer le fait qu'il soit membre, enfin, qu'il détienne des actifs de Savannah Energy Cameroun, si vous voulez. Ça veut dire quoi? C'est ça. Je veux parler de ce que le Tchad est en train de dire. J'interprète la démarche du Tchad. Le Tchad est en train de dire que mais je suis en train, voici mon. Est-ce que le Tchad ne sait pas ça? Le Tchad dit que les. Tel que je vois de l'affaire ici là, j'ai affaire à une nébuleuse dans laquelle il y a des acteurs privés. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Je ne comprends pas quel rôle ils jouent dans cette affaire. Et oui. Ils font dans le pétrole. Dans le pétrole, c'est ce que le Tchad était demandé. Je vous interpelle oui. La démarche du Tchad. Oui. C'est le Tchad qui nous dit même qu'il vient négocier, qu'il vient faire le. C'est ça, sinon, vous ne devriez rien passer. Oui. C'est le Tchad qui nous dit qu'il vient faire le lobby. Il est venu faire le lobby. De Savannah. Oui. Est-ce qu'il parle notamment? En tant que qui? C'est le pétrole du Tchad, non? Le pétrole du Tchad. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si le Tchad avait reçu des interlocuteurs fiables qui le confortent dans le fait que la tradition qui a présidé à la signature de ce contrat, où c'était les chefs d'État qui étaient en première ligne, qui discutaient et l'affaire se réglait sans problème. Mais on ne serait pas de parler de ce dossier-ci. C'est tout. Qui parlerait de ça ici? C'est parce que le Tchad estime que il vit en direct ce qu'il a subi de la part des majors occidentaux dans son pétrole, il est en train de revoir la même chose. C'est son partenaire. Oui. Son partenaire. C'est ce que le Tchad a dit simplement. Si l'affaire était réglée, on aurait pu entendre parler de ce problème. Oui. C'est pour ça que le Tchad a quitté le terrain technique, entre guillemets, technico-commercial, pour amener l'affaire sur le plan diplomatique. Quand le Tchad rapporte l'ambassadeur, à qui il s'adresse? C'est au chef de l'État. Il s'adresse au chef de l'État du Cameroun. C'est au chef de l'État. Qui s'adresse? C'est le patron de la diplomatie. Lorsqu'on demande à un ambassadeur, reviens pour consultation. Oui. Comme le fait la convention de Genève. On sait ce que ça veut dire. Oui. On a dû interpeller le président camerounais. Oui. Chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le patron de la SNH. Même s'il délègue ça à un directeur. C'est le patron de la SNH. Oui. Le chef en homme. Donc, le Tchad a dû de demander, mais je veux savoir la fin de quel est mon interlocuteur. Qui est cette affaire? J'ai affaire à qui? C'est tout. Si on raconte tout ce qu'on raconte là, on ne parle pas de cette affaire. Mais on fait la danse, c'est une danse marquée que nous sommes en train de faire. Oui. Et on joue avec les intérêts de notre pays à terre. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'on observe là? Dans cette affaire. Mais allons-y, ça pose le problème du pétrole camerounais. Sur le papier, c'est bien fait, c'est bien dégueu. La SNH, c'est clair, ses statuts sont clairs. Il défend les intérêts camerounais. Mais de moi à vous, là, chers amis, qu'est-ce que vous et moi vous connaissez? Qu'est-ce que nous connaissons sur le pétrole du Cameroun? Rien du tout. Qu'est-ce que moi et vous nous connaissons sur le pétrole du Cameroun? Je voudrais quand même rappeler qu'un demande de souveraineté. Mais ça n'a pas dit autre chose que. C'est un domaine où on dit, ok, ici là. Vu le caractère sensible et le caractère stratégique du domaine, nous estimons que non, il n'y a que le président qui peut s'en occuper. Ça ne veut pas dire que le domaine de souveraineté est désormais un tabou et que les Camerounais, puisqu'il s'agit des Camerounais, n'ont plus le droit de regarder sur leur pétrole. Ou d'être informés. Et que ça simplement. Devient, à la fin, la propriété d'un type d'acteur qui se cache derrière le domaine de souveraineté pour faire même basse le pétrole du Cameroun. Mais c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Ouais. C'est ça qu'il s'agit. C'est ce que le Tchad est en train de dire. Et ça nous interpelle sérieusement. Parce que les acteurs qui sont interpellés dans cette affaire et que les noms remontent grâce au Tchad qui nous dit que voici les gens qui viennent de faire pression ici, dans ce dossier, ces acteurs qui font d'hommes. Mais il y a des présidents dans le pays qui doivent vous interpeller. Oui. Les mêmes acteurs, vous les retrouvez dans beaucoup de dossiers dans le pays. Des dossiers graves. Oui. Des dossiers graves. Le scandale de la CAN. Vous avez à peu près les mêmes acteurs. Le Covid. Je ne m'en parle pas, mec. La CAN. Tu connais bien ce dossier. Quoi? Très bien. Monsieur Ahmed Amar nous disait ici quoi? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Ouais. Que j'ai pas encore vu ça dans le monde. Oui. Je vois un président se battre pour que son affaire sortisse, mais c'est saboté par ses plus proches collaborateurs. Voilà. C'est Ahmed Amar qui le dit. Il faut que tu connais bien ce dossier. Oui. Il veut nous dire ça lui d'interview. Ouais. Nous on voulait savoir ce qui se passe avec l'affaire de la canne. C'est Ahmed Amar qui veut nous dire ça. Il nous raconte ce qui se passe dans le fait de la canne. Ouais. Ce sont les mêmes acteurs. Et on a de la peine jusqu'aujourd'hui, on a de la peine à tirer ce scandale au clair. Parce que ces gens apparemment sont intouchables. Et que lorsque vous mettez l'œil dans leurs affaires, vous risquez votre vie. Il y a l'affaire du PAD. Ah oui. Le président de ce pays a pris un acte et a dit que le PAD désormais est une entreprise publique. Il a pratiquement nationalisé cette affaire. Oui. Nous connaissons des lobbies. Oui. Qui ont dit au président, tu es qui? Oui. Pour décider ça. Et qui ont passé le temps à faire campagne pour reprendre, annuler l'acte du président, reprendre ça et remettre ça à M. Bolloré. Oui. Ils sont au gouvernement camerounais, ils sont là assis. Oui. Vous tentez de mettre l'année dessus, vous risquez votre vie. Oui. Vous risquez votre vie. Oui. Ce sont les mêmes acteurs. Mais on nous a parlé de l'incendie de la Sonara. Pour réhabiliter une parent entreprise, alors nous parlons. On est maître à peu de 800 milliards. Oui. Pour réhabiliter. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, le Cameroun ne savent pas qui a brûlé la Sonara. Ah ouais. La commission d'enquête n'a jamais produit ses conclusions. Les Camerounais ne savent pas qu'aujourd'hui qui a brûlé la Sonara. Ouais. Donc on me dit que le Cameroun n'est pas en mesure de sécuriser une installation aussi stratégique, stratégique que la Sonara, au point où ceux qui l'ont brûlé ont disparu dans la nature. Gardez pas le bille. Il y a l'affaire de ce qu'on appelle le ministre Dodo Bokker. Voilà. Paix à son âme. Paix à son âme. J'ai oublié. Il s'occupait de ce dossier. Oui. Mine d'énergie du Bokker. Oui. Mon cher Guy Fondo, es-tu normal dans un pays qu'un ministre perde sa vie en fonction et qu'on ne sache pas ce qu'il a tué? Je pose la question. Dans ta... tu veux, je... Est-ce qu'il est normal dans un pays comme... tête, c'est, le... c'est le ministre de l'énergie du Cameroun. Ouais. C'est pas n'importe qui. Il disparaît comme ça en pleine fonction et sa famille pose des questions extraordinaires parce que lui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Comme celle de Martinez. J'y arrive. Qu'est-ce qu'on a dit de nous dire? Que désormais dans ce pays, il est dangereux même d'accepter d'être ministre dans ce pays. C'est dangereux. Et donc, ça ne sera réservé désormais qu'à des gens qui sont sûrs que s'ils sont ministres, on ne va pas les tuer. Pourquoi on ne les tue pas? Ils ne doivent pas nuire aux intérêts d'un certain réseau qui estime que le Cameroun lui appartient et que là où ils sont arrivés là, ils prennent le Cameroun devant nous, on est en train de voir comment ils sont en train de prendre. Quiconque bouge, on coupe ta tête. Ouais. Ce sont les mêmes acteurs qui tournent autour du pétrole Cameroun. Pourquoi on fait semblant de ne pas voir? Ce sont eux qui tournent là. Le Tchad est en train de nous dire, la personne qui est venue faire pression pour le compte de Sadam a dit Fondo. C'est pas moi qui dis, c'est le Tchad qui nous dit ça. Bon, le Tchad le dit, moi je fais comme si je ne vois pas, je fais comme si je n'entends pas. Le Tchad est en train de nous interpeller. On a écouté. Le Tchad nous interpelle, mais c'est qu'elle a fait ça. Et le Tchad décide d'engager une bataille pour le Cameroun. Oui. Sur la base d'un ensemble d'éléments qu'ils ont en public. Oui. Ils vont bientôt se retirer de la force multinationale mixte. Mais ça va aller progressivement. Mais oui, les Tchadiens sont lancés. Écoutez. Président Bandakani, excusez que je vous interrompe. Mais ils disent que si cette histoire perdure, eux, ils se retirent de la force multinationale. Et nous savons que c'est toujours le général Mahamat Idriss Déby Itno, à l'époque, qui est entré au Cameroun avec les troupes, allé au Nigeria, puisque le Cameroun n'avait pas le permis pour entrer, l'autorisation pour entrer au Nigeria et poursuivre Boko Haram jusqu'à dans son dernier retranchement. Ils vont se retirer de la force multinationale mixte et le Boko Haram va renaître. Et à qui ça profite? Le clan des Siciliens aura gagné. Et leur parrain, c'est qui? Mais c'est la France. Qui est derrière Boko Haram? On n'est pas la France? Oui. On a oublié ça. Donc les choses sont claires. cette crise diplomatique, entre guillemets, est une aubaine pour le Cameroun et les Camerounais. Ils s'interrogent une fois de plus, mais où va leur pays? Où va leur pays? Ouvrez les yeux, Guy Fondo, sur la gestion du pétrole camerounais. Il suffit de regarder la structure de management du pétrole camerounais. C'est compliqué pour savoir ce qui a été passé. Un domaine de souveraineté ne veut pas dire que ça ne nous appartient plus. Non, c'est qu'on estime que le caractère stratégique du domaine fait qu'on fait confiance au chef de l'État pour apprécier tous les enjeux qu'il y a dans le domaine. Oui. Un partenaire hautement stratégique dit aux Camerounais que moi, je l'appelle mon ambassadeur parce que dans l'affaire-ci, je ne sais plus ce qui est en train de se passer ici. Les gens qu'on m'envoie pour négocier pour le compte d'une nébuleuse qui n'a aucun... compétence en la matière, qui n'a aucune référence en la matière, moi ça pose un problème. Parce que celui qui vient parler n'est pas n'importe qui. S'il vient, j'ai des problèmes, c'est pas un homme de la rue, c'est le fils du président. S'il vient intervenir dans une bonne affaire, j'estime que c'est quand même... Mais ça devient compliqué pour moi, le Tchad. C'est compliqué parce que c'est le fils du président qui vient. Nous voulons comprendre cette affaire. Quand le père vivait, Déby père et son homologue camerounais ont négocié l'affaire, les bases étaient claires. C'est clair. Et le fait que on ait fait confiance à notre pays, frère, le Cameroun, pour accueillir l'essentiel du tracé du pipeline, nous rassurer. 908 km au total. C'est bien. Côté au Cameroun. Au Cameroun. Oui. Oui. Au Cameroun. Nous rassurer que on peut avoir affaire. Blanc, entre guillemets, peut vous nous tromper. Mais on est sûr que le partenaire camerounais là. On peut s'appuyer sur lui. Sur lui. Mais c'est ça. Il ne nous lâchera pas. C'est ça. Mais à l'heure actuelle, comment est-ce que moi, le Tchad, il n'est pas possible pour moi de parler avec le Cameroun pour dire que, frère, c'est entre nous ici, comme tu vois là, comme tu vois l'affaire ici, il faut que tu m'aides à récupérer l'affaire ici. Oui. Que si tu veux m'intéresser, voyons comment... C'est naturel, si tu veux m'intéresser, on peut voir, mais tu sais que toi, tu as intérêt à ce que je récupère l'affaire ici. Bien sûr, je récupère l'affaire ici. Tu gagnes. C'est bon pour nous. Oui. Le Tchad dit, mais à la fin... Je n'ai plus personne avec qui discuter. Parce qu'en face de moi, j'ai Franck Billard qui accompagne de la première dame de consort. Vous pensez que si cet interlocuteur la serait le Tchad, il le débat ici? Non. Vous serez même pas au courant de cette affaire? Oui. Personne. Non, c'est vrai. Il assure plus le Tchad, c'est le problème. Oui. Et le Tchad met ça dans là, sur la voie publique. Il y a un problème, Maître Momo. Les affaires stratégiques d'un État ne peuvent pas à un moment donné se confondre avec les affaires familiales. Mais c'est ça. C'est ça le problème. C'est cela qu'il s'agit. Mais on aurait préféré entendre le nom d'un autre interlocuteur. C'est tout. Parce que nous savons que le Tchad voue un culte au chef de l'État du Cameroun. C'est tout. Je dis un culte. Un culte de confiance. C'est tout. D'ailleurs, on parlait de père en fils quand les deux présidents se rencontrent. Mais oui. On parle de père en fils. Le président début jusqu'à sa mort, le président Badakani, il a toujours appelé le président le patriarche. Oui. Et dit jusqu'à sa mort. Nous savons. Pour le peu de temps que nous l'avons rencontré, nous il a toujours dit le patriarche. Nous savons. C'est le même réseau qui est allé au Tchad pour signer une autre dévaluation. Oui. Ça n'était pas ici là. Comment on s'est battu avec... C'est le même réseau. On s'est battu avec des mille pères pour éviter cette affaire. Le même réseau. Vendez le Cameroun une fois. Donc, c'est pas une affaire seulement de pétrole. Non. C'est une affaire de l'avenir du Cameroun. C'est-à-dire que, après l'affaire Martinez Zogo, ça continue là. Oui. Et c'est cette affaire qui a dû le continuer là. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où, devant nous, en plein jour, des gangs incrustés au cœur de l'État arrachent le bâtiment public au jour, confie ce bâtiment public, le privatise en plein jour pour leurs ambitions présidentielles de l'après-midi. Mais qu'est-ce qui est grave? C'est que tous ceux qui osent lever la tête, on va couper vos têtes. Et du coup, on est dans une... Et c'est ça le concept de Sicilien, même quand tu parles. C'est quoi, quand on voit la Sicile, c'est quoi? C'est la terreur d'abord. L'idée du Sicilien, ça renvoie à la terreur. Et la terreur, c'est que pendant que nous on instaure la loi de la mafia, vous ne parlez pas. Donc celui qui parle, on le zigouille. Les activités siciliennes confondent le licite et l'illicite. C'est ça. L'activité du Sicilien, le Sicilien n'investit pas à partir de ce qu'il possède de lui. Il investit ce qui lui appartient pas, qui va l'arracher, ouais, par des méthodes mafieuses, ouais, et va installer la terreur pour que ceux qui sont en face aient peur et ne parlent pas. Et du coup, un ordre s'installe qui est un ordre de la terreur, mais sous un silence de plomb. Vous ne dites rien parce que vous avez peur. Et on voit comme, et quand on voit, on dit que non, tout va bien. Mais alors que le soir dans la maison, les gens veulent seulement se suicider parce qu'ils vivent sur la terreur. Ouais. Nous sommes en train de voir une telle démarche, une telle dynamique à nos frères s'implanter au Cameroun au fur et à mesure. Ouais. C'est ce que le Tchad est en train de dénoncer, Guy Fondor. Ouais. Le Tchad dénonce ça. Ouais. Parce qu'on est en train de lui imposer ça, ouais, pratiquement. Sous couvert que non, le Cameroun est dans une logique libérale, conforme à sa réglementation, et que le Tchad est un dynamique de nationalisation. Donc c'est deux logiques vraiment qui ne sont pas. Bon, conjugable. Chacun a son logique, le Tchad a son logique, le Cameroun a son logique. On va avoir ce genre de raisonnement. Autre insulte pour le Tchad. On va où? Vous pensez que les Tchadiens ne savent pas où déposer un courrier qui va atteindre le chef de l'État? Ça peut tout ça. Ça vous savez, vous pensez que les Tchadiens sont si cons qu'ils ne savent pas où déposer un courrier qui va atteindre le chef de l'État? Où sont les courriers? Le Tchad parle de communication, des lettres écrites. Où sont ces lettres? Qui bloque? Qui bloque les lettres qui sont censées parvenir au président de la République du Cameroun? Qui bloque? Qui a intérêt, si ces informations sont vraies? Je dis bien, je nuance. Là maintenant, je nuance. Si l'information est vraie, il paraît. Je dis bien, si l'information est vraie. Parce que c'est très facile de rapidement ramasser nos propos, aller faire n'importe quoi avec. Il paraît que le président Mahamat, quand il est arrivé ici, c'était entre autres un des sujets de discussion avec le patriarche président. Il aurait eu des assurances. Semble-t-il. Il aurait eu des assurances. Semble-t-il. Ouais. Je mets entre parenthèses. Parce que quand nous parlons ici, nous savons que le propos, les gens sont prêts à faire des choses. Déformer. Donc si c'est vrai, ça veut dire que. Mais qui donc a intérêt à bloquer les lettres qui sont censées parvenir au président pour qu'il n'ait plus de tirage sur la une question aussi sensible et agir en dernière instance? Il y a intérêt à bloquer les lettres. Il paraît que le président Mahamat est parti avec toutes les assurances du vieux, oui, qui ne les savait pas faire. Oui. Mais une fois Mahamat parti, ben, qu'est-ce qu'il voit? Que mes bons sens, hein, est-ce qu'on a déjà pris 10%? On a pris 10%. D'une entité que l'État du Tchad conteste. Conteste. Mmh. C'est cela qu'il s'agit. Mmh. Alors, le Tchad dit que, mais c'est comment ce qu'il a fait là? Allez! Ça veut dire que c'est un problème maintenant diplomatique. Ça veut dire que là maintenant, l'honneur. Il y a une conspiration. L'honneur et la respectabilité du Tchad est en jeu. Oui. Je l'appelle mon ambassadeur. C'est tout. Ça veut dire qu'il est prêt à tout. Il faut ajouter que, voilà, selon plusieurs publications de propos attribués à Franck Biya, le fils du président camerounais, celui-ci dirait ne être impliqué de près ni de loin. À l'affaire Savannah Energy, il dit qu'il aurait affirmé que s'il l'a plaidé, que s'il a tenté une médiation auprès des autorités tchadiennes, c'était parce qu'il avait été abordé par des gens qui lui auraient dit que c'était les intérêts du Cameroun qui étaient en jeu. Une société camerounaise était donc sur le point de perdre d'importants actifs, notamment au Tchad, et que c'est dans ce cas-là qu'il se serait donc rendu auprès des autorités tchadiennes pour une médiation. Toujours est-il que cette semaine, on est dimanche aujourd'hui et demain lundi, de nombreux communiqués sont notamment revendiqués sur les réseaux sociaux, notamment un communiqué qui devrait être rendu du cabinet civil de la présidente de la République pour dire comment et pourquoi le fils du chef d'État camerounais aurait été intervenu dans le cadre de cette affaire. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est un plaisant, allez-y. Mais, écoutez, moi je ne parle pas en position, de façon, c'est-à-dire ma référence, c'est pas ce que dit M. Fambia, ça m'intéresse pas. C'est ce que dit le chat qui m'intéresse. Que dit le communiqué du secrétaire général de la présidente Tchadien? Son fils, c'est public. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça. On attend, c'est un État camerounais. Le Tchad parle à l'État du Cameroun à travers un de ses plus hauts représentants. Et point de base sur la table. Lequel Cameroun doit répondre? Pourquoi le plus le Cameroun ne répond pas? Les lettres dont on parle depuis, c'est déposé. Faux. C'est déposé où? Où? Ce sont les fausses lettres. Mais si c'est faux, le Cameroun dit, monsieur, vous mentez. Il y a pas un courrier. Le Tchad va plus loin. Nous n'avons, monsieur Fondop, nous n'avons pas d'intérêt à encourager une crise entre le Tchad et le Cameroun. C'est notre pays. Mais écoutez, c'est pas une histoire où des gens vont faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Je vous dis, hein, monsieur Fondor, c'est une information de première ligne. Les Tchadiens veulent pousser le bouchon loin. Ils disent qu'ils se retirent de la force multinationale NIF et Boko Haram revient au Cameroun. Et qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à ça? Quelles sont les forces internes du Cameroun qui ont intérêt à Boko Haram? Mais c'est ça. Quelles sont ces forces-là? Ce sont ces forces-là qui sont dans le pétrole-là. On va même plus loin. Les actifs que Savannah rachète sont évalués à 381 millions de dollars. Savannah a trop l'argent pour payer. Je voulais me parler. Oui, on se pose la question. Mais Savannah trouve l'argent ou pour payer. C'est la première fois, monsieur Dufondor, qu'il Savannah trouve l'argent. Honnête, oui. Bien, oui. S'engage dans des actions, oui. Dont elle n'a pas le capital. Elle n'a pas. Oui. Savannah trouve l'argent ou pour payer. Les qui ont cette habitude au Cameroun, en matière de marché public au Cameroun, oui. Les qui ont l'habitude de mettre en avant les entreprises qui n'ont pas le capital. Les qui font ça? Ce sont les mêmes gens qu'on le trouve là. Dans l'achat de la Renault présidentielle, le BBJ tout. Il y a une société GIA internationale. Oui, oui. Vous pouvez situer où se trouve cette GIA internationale aujourd'hui? Elle a fait faillite. Voilà. Elle a pas existé où? Elle a existé où? Elle a pas existé, c'est qu'elle est basée où? Quels étaient les éléments constitués de son existence? GIA. Et c'est pas le seul cas. Les 10% vendus à la SNH sont évalués à 50 millions de dollars, c'est-à-dire 26 milliards. Or, dans une histoire comme celle-là, nous savons que à chaque fois qu'une opération est faite, il y a des rétro-commissions. Supposons qu'il y a 10% de rétrocommission dans cette histoire. Il y a 2,6 milliards de francs CFA. Monsieur Franck Biaki allait démarcher, il touche rien. Propre. Il touche rien. Je veux vous rappeler, il raconte une histoire assez rapide là. Vous savez, dans un pays de la CEAC, il y avait un pays qu'on appelait l'Angola. Papa se battait contre l'UNITA. Qu'est-ce qui va se passer? Une de ses filles, Isabelle Dos Santos, va décider de faire les affaires dans le pays et avec les structures financières de l'État. Ses affaires vont tellement bien marcher qu'elle va devenir la femme la plus riche d'Afrique. Oui. Isabelle Dos Santos, femme la plus riche d'Afrique. Oui. Elle va prendre des participations même dans les banques au Portugal. Portugal. Partout. Elle va devenir elle va monter une des plus holdings, la plus grande holding d'Afrique. Quand papa va sentir sa fin venir par la maladie, il va prendre son plus proche collaborateur. Ouais. 30 ans, il va gérer ses services secrets. Son ministre de la Défense, ami personnel de la famille, qui a vu naître Isabelle Dos Santos sur ses cuisses, il va lui donner le pouvoir. Ouais. Un an et demi après, allez. Il prenait le fils Santos, il foutait en prison. Oui. Mandat d'arrêt international contre Isabelle Dos Santos. Oui. Il va démanteler la holding. Comme par hasard, les juges angolais vont voir les conflits d'intérêts pas possibles. On lui a retiré même le passeport diplomatique. Elle est fugitive à Londres. Je dis Isabelle Dos Santos, la fille plus riche. Donc, je ne tire aucune conclusion. Mais quand je vois une histoire comme ça, j'en tire une petite morale. Que étant fils du président, quand on fait les affaires, on doit s'éloigner de tout ce qui est intérêt public. Affaires publiques. Parce que son père a l'obligation de gérer le patrimoine camerounais pour le bien de tous. Or, dans une affaire comme ça, il part avec le nom Franck Biya. Il touche des commissions. Supposons qu'il touche des commissions dans une affaire comme ça. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est honnête? Voilà. Une fois que vous aurez terminé, on va aborder Oui. Je voulais rappeler que... Oui. Guy Fondo, la SMH, c'est le patrimoine du Cameroun. Oui. C'est une entreprise publique du Cameroun. Publique. Ça veut dire que tout son capital, tous ses avoirs, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. N'importe qui ne se lève un matin il pour aller spéculer sur le pétrole du Cameroun n'importe comment. Voilà. Si tu me demandes en dernière instance que bon, tu as un mandat digne et dit, en bonne et due forme pour le faire. Et encore. Maintenant, ton interlocuteur en face dit que monsieur, l'entreprise que tu amènes là, pour lequel tu viens plaider là, c'est une entreprise mafieuse. C'est lui. C'est une entreprise mafieuse. Est-il normal que le nom, le fils du président se retrouve en prison? C'est une entreprise qui manque autant de crédibilité en face d'un partenaire, mon Dieu, aussi stratégique pour le Cameroun comme le Tchad. On peut jouer avec le Tchad. On peut jouer avec le Tchad. Dernier qui dans là, lorsqu'il y a eu les crises, comment on appelle ça, les crises communautaires, dernièrement à l'extrême nord. Oui. Le flot de réfugiés, entre guillemets, qui s'est abattu au Tchad. Si maman n'avait pas bien géré ça, l'ONU avait commencé à dire que je viens m'installer là-bas. Oui. Maman t'a dit à ses Italiens, recevez-les comme vos frères, ce sont vos frères. Dès que l'ONU a voulu faire son histoire humanitaire, l'ONU a fermé sa bouche. Dès que le président Mahamat a parlé, fermé sa bouche et les deux présidents ont réglé ça en grand pour l'honneur de la sous-région. On joue avec le Tchad. Pour tous ces intérêts-là, on n'est pas en mesure de dire au Tchad que même, prends l'affaire ici, prends l'affaire ça, prends ton pétrole là. Prends ton pétrole, prends ça. Est-ce que le Cameroun ne peut pas aider le Tchad à nationaliser son pétrole? C'est la question qu'il faut répondre. C'est quoi cette... Le but de ça, c'est quoi? C'est quoi? Le but de 10% là au fond, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quand on met ça en rapport avec les intérêts qui nous lient avec le Tchad, le but c'est quoi? Mais c'est ça. Pourquoi on s'amuse à mettre en péril un tel axe stratégique pour des spéculations de la famille présidentielle? Comment? Mais vous prenez les gens pour les idiots ou quoi? Pourquoi que les gens ne voient pas? Les gens voient très bien comment? Dans l'endocolonial camerounais, on est obligé d'approfondir cette affaire. Dans l'endocolonial camerounais, il y a des étages. L'affaire Martinez Zogo nous a mis une état, un certain niveau, une certaine strate. C'est bien, on a tous vu. Fais confiance à la justice militaire pour aller au bout de l'enquête. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Mais ça, c'est le petit niveau. Mais le vrai niveau, c'est l'entourage présidentiel. Ouais. Qui déborde complètement le président et prend des libertés, mais qui deviennent des problèmes d'État. Oui. On est dans un problème d'État. Ça devient des problèmes d'État. Alors, tu en es dans un monsieur problème d'État. Monsieur Difondo, moi, je suis un Camerounais. Je suis autant intéressé par l'avenir des relations avec le Tchad que le président Pobia. Oui. Ça m'intéresse. C'est mon pays. C'est tout. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Je répète et je le dis. SNH, c'est le patrimoine des Camerounais. Les nébuleuses qui se créent autour de la SNH sont un problème pour le Cameroun. Ces nébuleuses-là doivent cesser d'être des nébuleuses pour devenir des entités transparentes dont on peut retrouver les traces. C'est tout. Pas d'aller au Bahamas. Quand c'est moi au Bahamas, qui empêche ça? D'abord, ces nébuleuses-là sont les qui d'abord? C'est qui ces nébuleuses? C'est qui? Ces nébuleuses sont les qui? Qu'est-ce que vous trafiquez là autour de la SNH, propriété des Camerounais? Et dont le seul qui a le mandat pour diligenter le sort s'appelle Paul Biya, le président patriarche. Mais les Camerounais voient tout ça. Pendant le sommet de la CEMAC, ne m'arrêtez pas, s'il te plaît, Guy Fondo. Vous êtes un grand professionnel. Sommet de la CEMAC, vous ne comprenez pas cette affaire. On parle du président camerounais patriarche, on montre qui est son fils. Oui. Je dis qu'il y a les images. Oui. On est en train de dire que voilà, le président patriarche camerounais, on parle du président. Après, on montre son fils. Mais tous ces montages-là, on connaît qui fait ça. On connaît qui fait ça. On connaît qui fait ça. Mais voilà là où ça arrive. Quand les gens s'amusent, les gens sont déterminés. Parce qu'ils ont des protections à Paris, parce que pendant très longtemps, ils estiment que bon, ok, c'est leur affaire. Oui, c'est leur affaire. Oui, moi j'ai 30 ans d'expérience ministérielle. Moi je suis le fils du président. Moi je suis l'épouse du président. Je suis donc le neveu. Le temps est arrivé de s'organiser comme le papa. Le patriarche, d'après eux, est âgé, le tient pour les manettes. Il faut que nous, l'entourage le plus proche là, on prenne l'affaire et on continue. C'est tout. Le Tchad a raison de s'intéresser. La personne qui veut négocier est à la tête d'une nébuleuse politique. Qui dit que c'est lui le futur président du Cameroun? Ok, on peut dire ce qu'on veut. Mais le cas regarde ça, il dit que comment je vais commencer cette affaire? C'est ça. Mais si le fils était le futur président du Cameroun, mais il va garantir. Est-ce qu'il va garantir? Il va garantir nos intérêts dans l'affaire si. Non. Puisqu'il vient négocier, il vient parler. Vous dites que si on se fie à ces communiqués là, qui ne sont pas notre source, ce ne sont pas nos sources là-bas. Nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux. Mais si on se fie à ça, si on lui prête ça et que c'est vrai. Il dit que bon, ok, il allait négocier pour les intérêts du Cameroun. Parce qu'on lui a dit que l'entreprise camerounaise était menacée. On lui a dit. Donc, on veut nous faire croire que bon, dès qu'on lui dit, il part seulement. Il part. Dès qu'on dit que bon, il serait seulement, il part. Il n'a pas une structure, il n'a pas une intelligence, mais il est assez intelligent, M. Flambier. Il est intelligent. Mais il ne peut pas analyser même ce qu'on lui dit d'aller négocier. Ce pour lequel on l'envoie devant. Il regarde, il analyse, il dit que mais attention. Mais attention, c'est la SNH qui est chargée de gérer ces gens. Oui. Et la SNH, c'est le patriarche président. Et oui. Et il y a les directeurs. Il y a les experts de la SNH. C'est organisé tout ça. C'est le Tchad qu'on est. Le Tchad est habitué à la SNH. Le Tchad est habitué. Parce que dans le contrat, Côte-Co, n'est-ce pas, c'est la SNH qui défend les intérêts du Cameroun. Je vois pas le problème particulier que le Tchad aurait à discuter avec la SNH. Puisque c'était fait super débit. Durant tout le contrat, l'interlocuteur, c'est la SNH. Du côté Cameroun. Mais maître, qu'est-ce qui peut pousser le Tchad à a décidé que dans cette affaire, moi je fais de ça une affaire diplomatique. C'est que le Tchad est très inquiété sur ses intérêts. Lui sûr. Déçu sur ses intérêts. Déçu. Que est-ce à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on traite des affaires sérieuses du Cameroun. Les Tchadiens sont habitués, je vous dis, le tracé initial du pipeline a subi les mêmes travers. Bien sûr. Le tracé initial de ce pipeline. Bien sûr. Débouché à la Sonara à Limbé. On devait raffiner leur pétrole et un oléoduc devait retourner le pétrole tchadien au Tchad et libérer ce pays. Merci. Qui avait intérêt à bloquer ça? La mafia, merci. La mafia merci. A envoyé à Kribi. Voilà. Alors, c'est-à-dire cette affaire, mon cher Ifondo. Juste quelques minutes, président Bandakani. Il nous reste 25 minutes pour sortir de l'émission. Et on doit encore s'interroger sur ce qui doit se passer cette semaine. Parce que demain, c'est lundi. Nos compatriotes de la sous-région, enfin, du Tchad et du Cameroun, ont des attentes bien spécifiques par rapport à comment est-ce que ça sera géré dès demain. Le Cameroun sort d'un long week-end férié, certains ont dit que c'est pour ça que jusqu'à présent on n'avait pas eu certaines réactions. Et donc, Je parlais pour l'affaire Martinez. On a vu ce qui s'est passé. Mais si vous êtes si prompt à aller négocier pour l'intérêt du Cameroun, mais un communiqué pour résoudre le Tchad est un problème, ça prend 3 jours en diplomatie. C'est bon. En diplomatie, alors que l'interlocuteur qui est en face, vous, à la place de l'ambassadeur en face, vous prenez une semaine, 3 jours pour répondre. Pourtant, vous êtes prêt à parler des forces intérieures du Cameroun. Ça dit que vous êtes trop fort pour gérer le pétrole de manière à ce que le Cameroun s'enrichisse. Et vous n'êtes pas en mesure donc de répondre, comme on dit rapidement, en temps réel, au Tchad, pour nous démontrer, nous, que le Tchad lève les enchères, que le Tchad n'a pas raison de faire ce qu'il fait. Nous, on attend la réaction de l'État du Cameroun pour savoir que, mais, dis donc, l'État du Cameroun, l'État de Kadjala, peut-être, mais, il exagère. Il exagère, non pas. Mais pourquoi on prend autant de temps? Pourquoi maintenant les gens sont aussi songos? Il faut assumer les conséquences de vos actes. Oui. Répondons au Tchad. Répondons au Tchad. Non, c'est pas ça l'intérêt du Cameroun qu'il faut donc. Ouais. C'est pas ça l'intérêt du Cameroun. L'intérêt du Cameroun, c'est les relations stratégiques avec le Tchad. Il faut maintenir et sauvegarder ça. Mais c'est ça. Pour la paix dans la sous-région. Mais c'est ça. Pour l'intérêt même du Cameroun. Oui. Vous ne traitez pas le Tchad comme ça. C'est pas ça au Tchad. Un pays frère. Je termine net. Guéphano, je pose une question. Ok. Si c'est le Cameroun dans la place du Tchad, quelle aurait été notre réaction? Très bien. Si c'est le Cameroun à la place du Tchad, Guéphano, qui subit ça, quelle aurait été notre réaction? Afrique Média, le monde, c'est nous.